En ce moment, on entendit le bruit des pas et des voix de Steedman et de Venceslas qui reconduisaient Shanor. Puis bientôt, Venceslas vint avec Steedman. Steedman, artiste lancé dans le monde des journalistes et des illustres actrices, des laurettes célèbres, était un jeune homme élégant que Valérie voulait avoir chez elle, et que Claude Vignon lui avait déjà présenté. Steedman venait de voir finir ses relations avec la fameuse Madame Schontz, mariée depuis quelques mois et partie en province. Valérie et Lisbeth, qui avaient su cette rupture par Claude Vignon, jugèrent nécessaire d'attirer Rue Vanneau, l'ami de Venceslas. Comme Steedman, par discrétion, visitait peu les Steinbock, et que Lisbeth n'avait pas été témoin de sa présentation récente par Claude Vignon, elle le voyait pour la première fois. En examinant ce célèbre artiste, elle surprit quelques regards jetés par lui sur Hortense qui lui firent entrevoir la possibilité de le donner comme consolation à la comtesse Steinbock si Venceslas la trahissait. Steedman pensait en effet que si Venceslas n'était pas son camarade, Hortense, cette jeune et magnifique comtesse, ferait une adorable maîtresse. Mais ce désir, contenu par l'honneur, l'éloignait de cette maison. Lisbeth remarqua cet embarras significatif qui gêne les hommes en présence d'une femme avec laquelle ils se sont interdits de coqueter.